Merci beaucoup Anne-Madeleine et merci à Rémi Campos de me donner 30 minutes et dans ce lieu d'être d'une certaine manière privilégié, la moindre des choses à Versailles, c'est d'avoir des privilèges. Donc merci pour ça, merci aussi pour cette introduction qui va me permettre d'économiser aussi un petit peu de temps, Rémi, puisque le travail de repérage à partir de Furtière me paraît tout à fait juste. C'est celui que j'avais moi-même évidemment opéré, c'est un réflexe. Quand on travaille sur le 17e, on commence par regarder le dictionnaire de Furtière. Son intelligence et sa précision et en plus le rapport aux exemples est toujours absolument passionnant. J'y reviendrai, mais j'irai évidemment plus vite là-dessus. Alors, théoriquement, ce que m'avait proposé Anne-Madeleine en une trentaine de minutes, c'était de parler des pouvoirs et des contre-pouvoirs artistiques à la fin du règne de Louis XIV. En 30 minutes, c'est largement suffisant, comme vous imaginez. Et donc, je vais plutôt essayer de déterminer une sorte de cadrage qui permettra, j'espère en tout cas, de continuer ce travail et cette conversation à plusieurs. Alors, comme tu l'as remarqué, Anne-Madeleine, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, ce qui frappe, et cela depuis bien longtemps, lorsqu'on considère la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, c'est bien entendu la mise en place d'une série de normes et de normalisations, de mise en ordre, de réglementation des pouvoirs et du pouvoir sur la férule et l'influence du pouvoir monarchique et de l'État de plus en plus centralisateur. Les arts, et ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le champ culturel, sont structurés par la création d'académies très officielles, très surveillées, qui veillent à ce que les esthétiques correspondent au mieux à ce que le pouvoir désire, ou même à ce qu'il ordonne. Alors, un jeu s'opère entre les injonctions esthético-politiques et la production de concepts esthétiques qui permettent de dégager un espace de création entre une soumission souvent encomiastique et une invention formelle propre à la période, d'où la vraisemblance, la régularité, l'homogénéité, etc. Tout ça a déjà été considérablement travaillé. Le peut-être dernier travail qui me paraît intéressant, c'est celui de Christian Jouot sur les pouvoirs de la littérature. D'autres, évidemment, on a tous participé à ce type d'expérience. Mais il me semble que ce qui est intéressant dans ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est le principe justement non seulement de l'opposition ou de la complémentarité entre la cour et la ville, mais aussi essayer de travailler avec ça pour voir s'il y a des foyers complémentaires, des foyers d'opposition et eux-mêmes qui pourraient peut-être être striés par un certain nombre de contradictions. Car la ville, tout autant que la cour, est... On le voit, il suffit de regarder l'histoire des urbanités parisiennes du XVIIe siècle, et je renvoie à un livre d'un camarade du Québec qui s'appelle Daniel Vaillancourt, Les urbanités parisiennes du XVIIe siècle, le livre du trottoir, où l'on remarque très bien comment la politique des Bourbons a été celle d'une... mise en place d'un système rectiligne pour la ville. Si vous voulez, le premier décret, peut-être le plus important, c'est celui de 1607, donc Henri IV, qui suppose qu'il y ait un alignement des maisons. Or, c'est très important la question de l'alignement, c'est-à-dire que si auparavant une ville était une suite de maisons et que les rues étaient déterminées par la place des maisons, là, cette fois, ce qu'installent les Bourbons, c'est qu'il y a des rues qui sont alignées et que les maisons se mettent le long des rues. Donc le concept d'urbanité est radicalement différent, même s'il vient d'Italie, il est d'une certaine manière approprié par les Bourbons, c'est-à-dire qu'on est dans un système de système rectiligne qui change de l'urbanité antérieure, et d'autre part, ce système de rectiligne suppose un agrandissement des rues, la possibilité d'y passer vite, la possibilité d'y passer en carrosse, la possibilité de ne plus boucher les rues et d'avoir des accidents comme celui de la rue de la Ferronnerie, par exemple, en 1610. Autrement dit, faire en sorte que la ville soit de plus en plus rectiligne, de plus en plus quadrillée, et évidemment quand on est quadrillé, on est aussi dans un système policé et policier. Donc, parallèlement à cette forme urbaine, urbanisée, citadine, qui dégage de fait une série de systèmes homogènes, il y a de fait une série de contre-pouvoirs qui ne sont pas nécessairement organisés. Ils sont là de fait. Et plus qu'une série d'oppositions frontales ou de rébellions contre le pouvoir qui existent cependant, enfin de la Ligue à la Fronde, en passant par les mouvements de l'Ormeray par exemple, sont là pour le prouver, c'est sur une sorte de résistance structurelle en défaut d'homogénéité ou en défaut d'homogénéisation que je vais m'interroger. En d'autres termes, je souhaiterais m'interroger ici sur la manière dont les foyers, puisque c'est le mot qu'il est question d'explorer, dans les foyers artistiques de la ville et de Paris en l'espèce, s'intègrent ou non dans le grand mouvement d'homogénéisation du pouvoir esthético-politique de l'État. Alors, pour commencer, je reprends très vite, puisque Rémi Campos m'a permis d'aller plus vite sur ce point, quelques définitions de Furtière. En effet, le foyer, c'est, alors, en ajoutant à ce que vous avez dit, c'est là où il y a de la chaleur, fondamentalement. C'est l'âtre, hein, l'âtre de la cheminée, l'âtre d'une chambre où on fait le feu, par extension la maison, certes, en termes de marine, c'est aussi non seulement ce qu'il y a de la chaleur, mais ce qui est clair, une sorte de phare. D'accord. Donc, et enfin, et ça je crois que c'est tout à fait essentiel d'un point de vue géométrique, c'est ce qui se dit des centres, des ellipses, des paraboles, des hyperboles, où aboutissent les réflexions des rayons qui tombent sur leur surface, et d'où on tire des lignes qui ont de particulières propriétés. Et là, il prend l'image du miroir ardent. Et je crois que là, c'est un point tout à fait important, c'est-à-dire que l'idée qu'on appelle aussi foyer dans les miroirs ardents, c'est le point brûlant où se rassemblent les rayons, soit par la réflexion, soit par la réfraction à travers un verre de lunettes quand il est taillé de sorte que les rayons soient convergents. Là, ça devient, je crois, intéressant. Je vais plus vite sur la définition puisqu'il a été cité, y compris en termes de médecine. Ce qu'on peut dire, c'est que le foyer est défini d'abord par sa chaleur, par sa concentration et par la concentration qu'il produit. Et cette concentration est une indication aussi bien géométrique que physique, que optique, que métaphorique, qui exprime le fait qu'il existe bien un ou plusieurs centres, une ou plusieurs focales, autrement dit un ou plusieurs regards, et que ces centres chauds irradient et diffusent. Voilà. Donc, je reprends un peu la définition que vous avez donnée, mais elle me paraît tout à fait intéressante. Et quand on regarde les autres occurrences du mot foyer dans Furtière, puisque maintenant l'informatique nous le permet, ça économise du temps, c'est l'intérêt de l'informatique, on appelle donc centre dans certaines figures curvilignes les points où se ramassent les rayons réfléchis. Donc, d'une certaine manière, le rapport entre le foyer et le centre se met en place, le foyer ou le centre. C'est donc aussi, par métaphore, un lieu citadin ou, face à la cité, le lieu de la cour, puisque ce que nous dit Furtière, et c'est ça qui est très intéressant, le centre ou foyer, ce peut être encore, je cite, une ville capitale qui est située à peu près au milieu d'un état, d'une province, Paris est le centre de la France. Et il ajoute, comme vous allez voir, un coup pour Paris, un coup pour Versailles, ou bien le lieu où on a tous les plaisirs, tous ces plaisirs, ces commodités. Exemple, toujours faire attention aux exemples, premier exemple, quand un ivrogne est au cabaret, quand un amant est avec sa maîtresse, ils sont en leur centre. Bien. Le poisson dans l'eau est dans son centre. Enfin, ça, c'est une citation de Mao. Dans son élément. Et enfin, on dit aussi du lieu où abonde toute chose, d'une même nature. Mandez-moi des nouvelles de la cour, vous êtes au centre des affaires, des sciences et des beaux-arts. Là, c'est intéressant. Donc, mandez-moi des nouvelles de la cour, puisque vous êtes au centre. C'est-à-dire, vous savez ce qui se passe à la cour et, comme on l'a dit précédemment, à la ville. Non pas opposition, complémentarité. Il peut y avoir opposition, pouvoir et contre-pouvoir, mais il peut aussi y avoir complémentarité et surtout hétérogénéité, et c'est évidemment le mot sur lequel j'insiste par rapport à la question du foyer. Donc, le foyer ou le centre, c'est donc aussi un lieu citadin, ou face à la cité, le lieu de la cour. Autrement dit, le foyer peut être double, triple, divers, multiple, où l'on s'occupe à des plaisirs, à des commodités, à des occupations diverses et multiples. Les affaires, les sciences, les beaux-arts sont donc en principe propres au foyer de la cour, mais Furtière a montré préalablement qu'il existe d'autres foyers possibles à la ville. Alors, j'ajouterais simplement que grâce à la définition du miroir, que le miroir concave représente les objets plus gros, fait sortir l'image au dehors jusqu'à son foyer, c'est-à-dire le met en distance, pour lier les trois éléments, l'image, la focale et le feu. Et on notera que les miroirs concaves peuvent aussi être ardents, autrement dit servir de loupe, de verre, brûlés à distance et par réfraction. Pour faire court, je dirais, avec ce petit rappel étymologico-lexicographique, qu'un foyer est d'abord, un, ce qui réunit autour de quelque chose qui chauffe. On se rappelle que les foyers du théâtre s'appelaient précédemment, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe, des chauffoirs. Hein, c'est l'endroit où on se réchauffait. Donc, un endroit où il y a de la chaleur et qui permet, en quelque sorte, que la chaleur humaine s'y réchauffe et diffuse. Mais c'est aussi donc ce qui réchauffe, ce qui réunit l'assemblée dont vous parliez, ce qui transforme optiquement les choses à partir d'un lieu de concentration qui permet ce réchauffement. Dès lors, un foyer devient un lieu central qui réunit une assemblée et qui, par cette réunion, ouvre un espace de parole, une parole sur la vision qu'on a du monde, sur le regard qu'on porte au monde, en fonction du foyer, cette fois optique, qui s'élabore lors de cette réunion. Devant les foyers qui réchauffent, les foyers humains peuvent alors, le cas échéant, s'échauffer. Ça va être le cas du parterre, se prendre au jeu, regarder le monde à travers leurs optiques, donc à partir des foyers optiques qu'ils déterminent. Alors, cette chaleur du parterre dont je vous parlais, je vous rappelle, vous le savez tous, mais que le parterre, c'est 70% des gens qui vont au théâtre, hein. C'est les gens qui sont debout en bas. Et à longueur de temps, jusqu'à Diderot, on parle de la chaleur du parterre. Et cette chaleur du parterre, je vais l'illustrer par quelques petites anecdotes tout à l'heure, assez sympathiques, où, en gros, les gens sont là, inattentifs, ils bougent, ils boivent, parfois ils se battent, souvent ils volent, au point que l'inattention entre le début du XVIIe siècle et le moment où on essaie d'asseoir le parterre, c'est-à-dire 1781, voire 1787, on a donc 70% des gens qui sont devant vous, debout, et on est obligé de jouer fort pour essayer de faire en sorte de couvrir leur propre voix. Ça, c'est le premier point. Mais d'autre part, l'une des catégories qu'on donne au parterre, y compris du côté des auteurs, y compris du côté de Diderot, qui théoriquement va lutter contre le parterre puisqu'il est en train d'installer le théâtre dramatique, c'est justement sa chaleur. Le fait qu'on est ensemble, le fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette réunion, dans cette assemblée discordante de gens debout qui sont là pour apporter de la chaleur à l'ensemble de l'assemblée. Donc, cette contradiction, cette ambivalence qu'on va retrouver chez Diderot au milieu du XVIIIe siècle, elle est là dès le début. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'extrême chaleur et en même temps, la dispersion, l'inattention, le brouhaha, etc. Donc, la chaleur du parterre que Diderot vante en même temps qu'il la redoute, ça, donc, l'un de ses exemples essentiels. Enfin et surtout, il peut y avoir plusieurs centres, avec la question du foyer, à même de déclencher le même phénomène. Autrement dit, dans la cité, plusieurs foyers, plusieurs types de conduites, plusieurs types d'interventions se donnant comme centrales, comme il peut y avoir dans les assemblées et les foyers, une hétérogénéité absolument constitutive d'une relation d'assemblée en constante discussion, négociation, opposition, en constant débat, en constante conversation, et peut-être même beaucoup plus hétérogène et hétéronome qu'on le croit ou qu'on l'imagine maintenant dans nos foyers contemporains. À côté du phénomène lié à la concentration, au réchauffement et à la focalisation, la question est donc enfin celle de la circulation et du jeu entre une sorte de dynamique de cohésion, d'un côté, on dit maintenant le terme d'être ensemble sur lequel moi je ne me reconnais pas, mais on parlera peut-être ici de l'être ensemble, et dynamique d'opposition, de désordre ou des ordres, et là je reprends la problématique de Christian Jouhaud et de Simon, où la question c'est pas le désordre, mais le fait qu'il y ait désordre, en même temps que forcément du désordre. Donc voilà un peu ce que je souhaite exposer aujourd'hui. Ce qui fait que les foyers, et plus largement ceux qui touchent à la littérature et à l'art, sont ou des moyens de conformer les manières d'être, de modéliser le social afin de déboucher sur une sorte de vivre ensemble, comme on peut le lire en ce moment sous les plumes morales de Martha Nussbaum. Voilà. C'est une possibilité. Est-ce qu'on est là pour faire de la littérature et de l'art pour pouvoir être bien ensemble et être moraux? C'est une question qu'on peut se poser. Ou faut-il observer les foyers et les usages de la littérature et de l'art pour en noter les disparités, l'hétérogénéité constante et dès lors les différentes appropriations ou les différences d'appropriation? Ce qui m'intéresse donc sera donc plutôt la multiplicité et la porosité des lieux, le fait que les points de vue dans ces sortes de foyers culturels ou artistiques varient non par leur diversité, ce qui est évident tant les foyers des villes sont différents, mais aussi à l'intérieur de ces lieux. Et que par exemple, le théâtre comme événement social est un exemple frappant de la porosité, de l'hétérogénéité, des jeux avec les catégories, aussi bien des jeux transgressifs que des jeux structurellement sociaux internes à chaque assemblée, qui sont le propre des sociabilités de ville sous l'Ancien Régime. On connaît, évidemment, tu as fait une rapide bibliographie, je renvoie aussi au travail peut-être aussi de Daniel Roche, tout à fait au début sur la question des salons, à l'article, entre autres, et à l'ouvrage de Lilti, avec lequel je suis moyennement d'accord sur la question du théâtre de société, mais ça on en parlera dans la mesure où il considère que le théâtre de société est radicalement différent du théâtre de ville. Or non. Tout prouve que on a des conduites qui sont à peu près semblables, et ça c'est intéressant. On connaît aussi ton ouvrage, Anne-Madeleine, sur la question des ruelles et des salons duquel on parlait tout à l'heure. Mais il semble bien justement que la critique ces dernières années ait beaucoup avancé dans son descriptif des réunions à la cour, mais aussi à la ville, en renonçant à vouloir trop unifier les choses au nom d'un rêve d'unité sociale et culturelle ou d'une idée fausse depuis Carlo Ginzburg d'une opposition entre une culture savante et une culture populaire. On en a terminé heureusement avec ça. Je prendrai donc ici quelques exemples, à la fois de travaux critiques et de textes d'époque, qui décrivent, analysent, mettent en lumière la diversité des points de vue, leur hétérogénéité esthétique et axiologique dans les villes des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, pour l'écrit, je garderai les exemples sur Venise d'un côté et peut-être Rome, j'essaierai de le placer tout à l'heure parce que j'aime bien cette histoire-là de l'autre, et je vais me concentrer sur Paris. Venise, je vous renvoie simplement à une bibliographie sur l'ouvrage de Federico Barbierato sur les politiques, la politique et athéiste la Venise du XVIe et du XVIIe siècle, où il prouve très simplement avec un nombre de textes absolument faramineux que Venise comme ailleurs, les espaces se créent et ne sont ni totalement publics ni totalement privés, mais intermédiaires, et que l'on retrouve très justement des manifestations du type ambivalent, c'est-à-dire religieux et athéiste, dans des foyers qui sont exactement les mêmes, mais qui sont eux-mêmes diffractés, les gens ayant des conduites d'une certaine manière elles-mêmes absolument striées. Café, boutique, rue, place, église, lieu de spectacle, il y a à Venise des foyers publics et privés striés, contradictoires, ambivalents, athéistes et en même temps religieux. Et il semble bien que le cas vénitien ne soit pas une exception, tant au XVIIe siècle la porosité des lieux permet l'expression de la diversité des points de vue. Et si parallèlement, ou plutôt contre cette diversité, toutes sortes de pouvoirs viennent interférer, dont une police en France juste créée et de plus en plus présente, dont une volonté doxique de plus en plus forte à mesure que le pouvoir se raidit, il se trouve que la structure même de la ville, qui n'est pas encore totalement alignée, de ces lieux, de ces points d'assemblée, empêche une surveillance absolue et détermine une sorte de résistance aux différents systèmes doxiques. Alors, Jean Duron n'est pas là encore, je crois, mais la dernière fois que j'avais parlé devant lui, j'avais parlé de la question désordre et des désordres à l'intérieur même du lieu théâtral qui, pour moi, est un lieu assez emblématique, théâtral au sens large, un lieu de spectacle qui est assez emblématique de ce qui se peut se passer dans des foyers artistiques. Alors, j'ai toujours avec moi ce relevé que j'avais fait sur la garde de l'opéra et la punition de ceux qui commettent des désordres, qui est un texte que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une série de, à la fois de textes juridiques, d'anecdotes, de décrets qui sont consignés dans qui sont, pour l'instant, on peut le trouver à la bibliothèque administrative de la ville de Paris. Je voudrais simplement remarquer une chose. Nous parlions des années que vous avez déterminées vous-même, et il se trouve que le travail sur la garde de l'opéra et la punition de ceux qui commettent des désordres va de 1701 à 1714. Et entre 1701 et 1714, j'ai un minimum de 24 exemples de ce qui peut se passer à l'Opéra de Paris en matière de désordre. Je vous cite le début pour assurer la tranquillité de ce spectacle, hein, l'opéra. Il y a une garde du régiment des gardes françaises composée de 24 hommes et 3 caporaux, commandée par 3 sergents et payée sur le produit de l'opéra, savoir 20 sols à chaque soldat, 30 sols à chaque caporal et 3 livres à chacun sergent. Les soldats se tirent de toutes les compagnies et on choisit toujours les plus sages, les plus braves, les mieux faits, hein, comme les hôtesses de l'air dans le temps, ainsi que les sergents qui les commandent. Ils y sont en faction, comme chez le roi, tant aux portes que dans l'intérieur de la salle, pour y contenir les spectateurs dans le respect dû à une maison royale. On a rapporté ci-devant toutes les ordonnances portant défense de commettre aucune indécence, tant dans cette salle qu'aux entrées et sorties. Il ne reste à parler que de ceux qui les ont transgressés. Et ceux qui les ont transgressés, il y a 24 éléments. Et simplement les deux derniers, puisque 1714, c'est l'année qui vous intéresse, on est donc janvier 15, il y a eu déjà un certain nombre de scandales avec des gens qui étaient complètement sous et qui débarquaient à l'opéra. Et puis en 1713, le sieur Perron, fils du distributeur des fourrages à Metz, ayant jugé à propos d'insulter la demoiselle Aran, une danseuse de l'opéra, croyant avoir sujet de se plaindre d'elle, et même jeté dans la salle plusieurs billets qui contenaient un couplet de chansons contre cette fille, le roi, informé du manque de respect de ce jeune homme, le fit arrêter et conduire à Fort-l'Évêque. Le 2 mai suivant, cette aventure est rapportée plus au long au nom de dans l'article sur la demoiselle Aran. Donc, on a comme ça une profusion d'anecdotes, et je vous livre juste la dernière que j'aime vraiment bien. On croyait que l'exemple de sévérité à l'égard de Dulaurent, qui s'était arrivé un peu plus tôt, rendait tout le monde sage, mais il se trouve toujours des fous. Le mardi 12 février 1715, suivant, un nommé Le Large, fils d'un marchand drapier de Paris, vint très ivre dans le parterre. Et il chantait de manière à y troubler le spectacle. L'officier de garde l'avertit par 2 fois d'être plus circonspect. Il répondit à ses remontrances qu'on ne venait à l'opéra que pour chanter. Ce qui obligea ce sergent de le conduire au corps de garde, et sur le compte qui en fut rendu au roi, sa majesté ordonna qu'il fût mis au Fort-l'Évêque, où il demeura 15 jours. Voilà, c'est un cas parmi 24 rapportés à l'intérieur d'une synthèse sur ce qui se passe à l'opéra entre 1700 et 1715. C'est-à-dire que devant toutes les défenses tant de fois réitérées des décrets que dans d'autres articles je me suis amusé à collationner, devant le fait que, je cite, les défenses qu'elle a ci-devant faites à toutes les personnes d'entrer aux comédies, tant françaises qu'italiennes, sans payer, ne sont pas exactement observées, la foule de décrets, vous savez, quand une loi est plusieurs fois répétée, c'est qu'elle ne s'applique pas. Or, les décrets sur le spectacle, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, tous les 15 ans, répètent exactement la même chose. D'accord ? C'est vrai aussi pour les périodes précédentes, mais là, quand on regarde, quand on fait une étude sur un siècle, c'est exactement la même chose. Qu'il faut se taire, qu'il faut arrêter, qu'il faut faire silence. Et donc, à chaque fois qu'on vous demande ça, ben, ça veut dire qu'on ne fait pas silence, qu'on ne se tait pas, et que le parterre est toujours en plein brouhaha. Et d'autre part, qu'on entre sans payer. Et on voit même et je cite, continue la citation, et même que beaucoup de gens y étant entrés interrompent tant par leur bruit le divertissement public. Sa Majesté a de nouveau fait très express inhibition et défense à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, même aux officiers de Sa Majesté, ses gardes, gendarmes, chevaux légers, mousquetaires et tous autres, d'entrer aux dites comédies sans payer, comme aussi à tous ceux qui sont entrés, d'y faire aucun désordre, ni interrompre les comédies en quelque sorte de manière que ce soit. Cette ordonnance royale a exactement la même rédaction 6 fois. Donc, vous voyez comment les ordonnances royales ont beau établir une garde militaire attachée à la Comédie française, à la Comédie italienne, souhaiter réguler jusqu'à la circulation des carrosses aux entrées et aux sorties des spectacles, tenter de surveiller la ville et la vie autour des théâtres, la licence guillemets, dans ces lieux de spectacle se poursuit, même si l'on fait mine, dans une nouvelle ordonnance de 1751, de le découvrir, quitte à déclarer à nouveau qu'il faut qu'une garde militaire dans les salles de spectacle, plus de 15 ans après avoir, sur ce point, formulé une autre ordonnance exactement semblable. Le théâtre, bruyant, dissipé, même violent ou dangereux, existe, et ce sont encore des ordonnances qui nous renseignent, puisqu'elles constatent qu'on relève des blessés parmi les spectateurs ou parfois même parmi les comédiens lorsqu'ils sont pris à partie par le public. Alors le problème, vous voyez bien, dans ces foyers, et Dieu sait s'ils sont chauds et chaleureux ceux-là et combien ils diffusent, le problème est alors, on peut le résumer ainsi. Des publics se réunissent dans un lieu sous le prétexte d'assister à une performance de comédien, aléatoirement à leur virtuosité à déclamer un texte et en assurer la gestuelle, et simultanément, ces publics, qui sont divers, hétérogènes, hiérarchisés, puisque vous avez le parterre, vous avez les gens qui sont sur le théâtre, hein, je vous rappelle que jusqu'en 1759, à partir de 1637 jusqu'en 1759, vous avez entre 40 et 150 spectateurs sur une scène qui n'est pas plus grande que celle de la Comédie française aujourd'hui, c'est-à-dire 13, 14 de largeur, maximum 15 de profondeur, et là-dedans, vous avez les gens qui sont assis sur la scène elle-même jusqu'en 1759. Donc le parterre, le théâtre, les premières loges, les deuxièmes loges, parfois l'amphithéâtre qui est au fond, c'est une véritable hiérarchie. Et à l'intérieur de ça, vous avez quelque chose qui vit, quelque chose qui s'oppose, quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'assemblée, de la violence, du discours, qui va s'adresser, et tout le monde est là à la fois pour voir, c'est-à-dire pour regarder ce qui est délivré sur la scène, mais pour être vu en train de voir. Et là, on a un système de double performance. Autrement dit, on est à la fois là pour assister à la performance des comédiens, mais simultanément, ces publics se réunissent pour se voir, pour s'exprimer, pour être vu. Les places les plus chères ne sont pas les places où on voit la perspective. Les places les plus chères sont celles qui sont aux premières loges et sur le théâtre même, c'est-à-dire là où l'on est vu. Voilà. Donc, que font alors les comédiens? Que font les décorateurs? Que font les préposés au texte, c'est-à-dire les auteurs, pour que ces mêmes spectateurs les considèrent comme les principales instances de cette rencontre et d'une certaine manière, en s'excluant eux-mêmes des instances essentielles? En d'autres termes, comment font les praticiens, dont l'auteur, pour que la rencontre et la séance deviennent principalement, puis totalement, un spectacle en bonne et due forme, avec des regardants d'un côté et des regardés silencieux parfaitement distincts? Eh bien, ils ne font pas. Ils ont du mal. Ça ne se passe pas comme ça. Ils installent peut-être le rare au centre du point de vue théorique. Ils minimisent les regards et les conduites, toujours du point de vue théorique. Et ils minimisent les conduites qui interfèrent autant qu'ils peuvent, en s'appuyant, comme on l'a dit, sur des arguments esthétique secondée par des arguments plus frappants qui sont de l'ordre strictement disciplinaire. C'est pourquoi, dans le même temps, il se trouve que, pour d'autres raisons, mais qui concourent à fonder un même théâtre dramatique, régulé, surveillé et honnête, les ordonnances et les arrêts les aident à faire du bâtiment un espace qui va être de plus en plus pacifié, de plus en plus silencieux, peut-être un peu attentif et en principe plus calme jusqu'à la Révolution française. Et là, les gens vont se relever. Police, scénographie, art du discours, art de la déclamation, travail sur les costumes, art de la fable, virtuosité des comédiens vont donc se seconder pour dégager un maximum d'intérêt et happer les regards happer l'attention, happer, si je puis dire, le silence du public. À ceci près que la partie est complexe et que chacune des instances va jouer sa propre partition, puisque rien ne dit au départ que le texte, donc l'auteur, le jeu, le comédien, l'ordonnance de la scène et le décorateur, dirige bien l'ensemble et que le public puisse être brutalement devenu homogène, dressé, silencieux, attentif au spectacle qu'on lui propose. Donc voilà l'élément que je voulais montrer, et puis ça va continuer. C'est-à-dire que j'ai une citation du 19e siècle, hein, en 1838, qui dit « Le public de Paris est à cet égard, est à cet égard, et il sera toujours le même, en tout temps, très indiscipliné, capable de suivre une toute autre impulsion que celle qu'on lui dicte, et de s'irriter contre ses propres dispositions s'il aperçoit trop clairement qu'on le gouverne. » C'était comme ça au théâtre à Paris avant. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je voulais essayer de montrer à travers cette question toute bête de ce que c'est qu'un théâtre à cette époque-là. Voilà ce que l'histoire du théâtre, ou plutôt des théâtres, nous apprend. Hésitation, oscillation, hétérogénéité, distribution des places inégalitaires quoi qu'on fasse, combat constant entre les instances, trouble et chaos de la séance malgré les tentatives disciplinaires, le théâtre peut apparaître comme un lieu chaotique. Mais le trouble, la diffraction, le chaos, qui caractérisent la séance et l'événement, deviennent aussi pour nous extrêmement intéressants à partir du moment où ils viennent côtoyer et affronter une véritable proposition artistique précise qui entraîne à juger qui est celle de ce qu'on peut appeler le classicisme et ensuite le théâtre dramatique. Le théâtre ancien, celui que nous observons, qui est un chaleureux foyer social et esthétique, n'a donc pas un public homogène et silencieux. Il accueille un moment éphémère des spectateurs rangés de manière inégale, hiérarchique, qui sont d'abord là pour se réunir et qui paient pour cela même. Mais dans le même temps, bien que placés de manière hiérarchique en fonction de leur rang et de leurs moyens financiers, ces spectateurs sont tous reconnus comme également capables de se divertir, de penser, de s'exprimer, parce qu'ils sont en groupe, parce qu'ils sont en nombre, dans ce lieu-là, et qu'ils ont le loisir de parler, de s'exprimer, sans que les lois communes ne s'appliquent pleinement. Ils ont donc tous une capacité, y compris au sens juridique, pleine et entière de spectateurs au pluriel. Ils sont donc présents, inégaux, dans leur provenance comme dans le lieu qu'ils occupent, pour être ensemble. Ils paient pour avoir le loisir de voir, de parler, de penser et de se divertir ensemble. Il faut cependant convenir que cet être ensemble n'a rien de particulièrement harmonieux. Tous les témoignages sont là pour le prouver. Tant les événements de la séance, vols, bagarres, sifflets, interventions diverses, sont nombreux, tant il est aisé de comprendre que les spectateurs et non pas le public, je m'oppose à l'idée d'un public de théâtre, y compris d'ailleurs maintenant, hein, mais à cette époque, il n'y a pas un public de théâtre. Il y a des spectateurs, et ces spectateurs sont marqués par leur hétérogénéité, et l'hétérogénéité des, en particulier, de la manière dont ils se tiennent. Donc, il est aisé de comprendre que les spectateurs, comme on l'a dit, ne viennent pas principalement ou essentiellement sous le prétexte unique d'assister à une pièce de théâtre, mais aussi pour être là, ensemble, dans une assemblée, et ils payent pour ça. Lieu de sociabilité, où l'on se rencontre et où l'on performe ensemble des jeux sociaux qui occupent ceux qui paient pour cela, discussion, débat, séduction, etc. Le théâtre produit alors une suite et une série de performances sociales où l'on joue à être tous capables en même temps, sans nécessairement être en harmonie avec les autres. On paie sa place, au sens fort du terme de place, on paie sa place pour rencontrer les autres et pour être vu parmi les autres. Mais on paie aussi pour voir les autres, et en particulier les comédiens, et pour être vu les voyants, principalement lorsqu'on a une place sur le théâtre, jusqu'en 1759. Pour être vu en train de jouir ou non du spectacle, pour être vu en train de le juger, et à partir de là, de prendre rang à l'intérieur d'une esthétique en constitution. Autrement dit, on paie à la fois pour voir la présence, le corps et le métier des comédiens et des comédiennes, et pour être vu comme les regardants et les évaluant en les appréciant. Si bien qu'on paie aussi pour voir, apprécier, juger la représentation d'un monde particulier, fictionnel, historique, figuré au contact physique et philosophique du monde tel qu'il est, au-dedans et au-dehors du théâtre, et on est vu faisant cela. Opération complexe, mais opération passionnante, qui est celle véritablement de ce que peut être un foyer, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps, être dans la sociabilité, dans l'esthétique, dans la politique, dans un lieu même qui est concentré ici sur le théâtre. On pourrait faire ce genre de travail sur la question des salons, etc. Conclusion, donc 30 minutes. Il semble donc qu'à partir d'une observation historique des faits théâtraux ou spectaculaires, et en utilisant pour cette description quelques catégories juridiques, esthétiques, politiques, à même de rendre compte avec une certaine précision de ce que peut être formellement une assemblée théâtrale apparemment chaotique, puis peu à peu disciplinée, mais généralement striée, le fait d'être un parmi plusieurs, on puisse fournir, pour essayer de penser les spectateurs et pas le spectateur, et déterminer ce que peut être un foyer citadin, et en l'occurrence un foyer artistique et théâtral, une sorte de modèle dont je ne pense pas qu'il soit herméneutique, mais simplement heuristique. C'est celui d'une comparution théâtrale, comparution de tous devant tous, d'un jugement généralisé dans un espace hétérotopique, et je reprendrai la définition de Foucault sur l'hétérotopie, le bâtiment de théâtre, pas la scène. Ça, c'est ce que dit Foucault, mais le bâtiment de théâtre conçu comme un système hétérotopique, hétéronomique, d'une séance éphémère, là où les spectateurs hétérogènes côtoient, coproduisent avec les praticiens une performance sociale, tout autant qu'un spectacle esthétique, c'est pour moi le foyer. Merci.